Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. Vu d'où je viens, je remercie Dieu d'être encore en vie. Je te jure, pour m'en sortir, il m'a fallu plus que de l'envie. Je les entends parler comme si je leur devais quelque chose. Je serais pas étonné qu'un jour de plus ils m'arrosent. Pourtant, je n'ai rien hérité. Je vais te dire la vérité, même dans le ghetto, j'étais parmi les plus déshérités. À 5 dans une pièce, dans la promiscuité, je rêvais de quitter la haie. Sur mon lit superposé, j'ai dû transformer ma rage en détermination. Quand on vient des ghettos sauvages, réussir n'est pas qu'une option, c'est une question de survie. Chacun choisit ses moyens. Il paraît que tu m'envies, mais sais-tu d'où je viens. Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, j'ai le mort. Une fois, j'ai frôlé la mort. Je ne serai pas vaincu par l'industrie du disque. Jamais. J'ai survécu au banlieue à risque. Règlement de compte au pistolet. On s'est jamais fait pistonner. On a des douleurs qu'on ne peut consoler. On a des rancœurs planquées sous le sommier. Même pas pour un disque d'or. Je ne changerai pas de peau. Le show business ne peut me corrompre. Il n'y a que la mort qui pourra m'interrompre. On n'a pas fréquenté les mêmes écoles, supporté la même pression sur les épaules. 9, 4, 310, or lycée là d'où je viens. Vous n'osez pas mettre les pieds dans les quartiers où je me sens bien, hein. Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. Oui, je suis prêt à tout perdre, je connais la pauvreté. Je me sens bien dans les quartiers où vous n'osez même pas mettre les pieds. L'argent ça va et ça vient, mais y'a des choses qui ne devraient jamais bouger. Je me fous de ton tube de l'été, je préfère plutôt conserver ma dignité. Je représente les mecs de tes car j'ai grandi sans rien. Je connais la pauvreté. Je me sens bien dans les quartiers où vous n'osez même pas mettre les pieds. L'argent ça va et ça vient, mais y'a des choses qui ne devraient jamais bouger. Je me fous de ton tube de l'été, je préfère plutôt conserver ma dignité. Dakar, menace. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bagarre, cochinas. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Bloc, carnage. Tu sais d'où je viens. D'où je viens, c'est Four, T-Max. Tu sais d'où je viens. Rap hardcore sous violent breakbeat. Rap hardcore sous violent breakbeat. Moi je pratique le rap hardcore. Rap hardcore sous violent breakbeat. Dans le style réaliste, on appelle lyrics explicites. Dans le style réaliste, on appelle lyrics explicites. Dans le style réaliste, on appelle lyrics explicites. Dans le style réaliste, on appelle lyrics explicites.